Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les expos de Montréal, nos expos, nos amours. Moi, j'ai dit que je me voulais être l'ambassadeur du baseball à Montréal. Par la suite, bien évidemment. Là, il faut regarder, parce que Montréal, c'est pas aujourd'hui, là, c'est pas de la nostalgie, là, c'est l'ADN. Les gens adorent le baseball, c'est une ville de baseball. Le maire de Montréal, Denis Coderre, le 2 avril 2015, Denis Coderre qui rêve ouvertement, vous venez de l'entendre, du retour des expos à Montréal. Montréal est une ville de baseball, nous dit le maire Coderre. La question se pose, et l'histoire des expos qui ont élu domicile à Montréal de 1969 à 2004 nous montre à la fois des vagues d'amour et d'enthousiasme qui remplissaient le stade du Parc Jarry ou le stade olympique à pleine capacité, autant que des scènes de désolation où à peine 2 ou 3 000 partisans se déplaçaient pour encourager leur équipe. Que retenir de ces 36 années de présence des Expos à Montréal? C'est ce que je vous propose dans ce numéro d'Aujourd'hui l'Histoire. Hurlant et pip pip pourra, on mangera des frites et du chocolat. C'est papa, la passée, et c'est un bon coup sûr d'Argenteur. C'est le premier point des expos, le premier point de l'histoire des expos. On les fera champions, nos expos. Eh ben, on vient de voir. On vient de voir, et c'est très loin, et c'est un coup de circuit! Dan McGinn! Elle a frappé le dessus de la clôture. Le dessus de la clôture, Dan McGinn, la première à prendre de Seaver, par-dessus la clôture du champ droit. Le lancer, c'est une troisième prise! Rod Gaspard retiré sur trois prises, et les expos emporte ce premier match au compte de 11 à 10. On n'est pas champions, nos expos. Quelques moments forts du tout premier match des Expos de Montréal au stade Shea à New York contre les Mets de New York le 8 avril 1969. Ça doit rappeler de bons souvenirs à certains d'entre vous. Pour nous raconter l'histoire des Expos, Marc Robitaille, co-auteur avec Jacques Doucet du livre « Il était une fois les Expos » publié aux éditions Urtubise en 2015. Marc Robitaille qui a aussi participé à l'écriture de nombreux films qui tournent autour du monde du sport, baseball, hockey. Marc Robitaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes un fou de sport, de hockey, de baseball, fou des Expos, vous les suiviez à l'époque comme gamin. Vous avez écrit cette brique-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine et vous passionne tant dans cette histoire, dans cette équipe, les Expos? Bien, d'abord, elle est arrivée à Montréal au moment même où moi, j'arrivais au début de l'adolescence. Tu sais, j'avais 12 ans, donc c'est l'âge où on s'intéresse à ces choses-là. Et quand j'ai vu ça, d'abord, c'est un sport que je me suis mis à pratiquer tout de suite et dans lequel j'avais relativement de succès. Oui. Alors, contrairement à d'autres sports où ça allait moins bien, alors je me suis dit, ben tiens, c'est le sport pour moi. Sans penser que je pouvais faire carrière là-dedans, je me suis dit, ben peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose. Alors, c'est devenu le livre plus tard, mais tout m'intéressait là-dedans, tous les uniformes, les stades, l'étendue de verre, un sport, c'est l'été, toutes les qualités. Et vous ne serez pas tout seul, parce que en écoutant, chers auditeurs, cette histoire des expos, vous allez découvrir ou redécouvrir à quel point cette équipe-là, les Montréalais l'ont aimé. Ça commence donc en 68-69, premier match en 69, l'obtention de l'équipe en 68. Mais avant ça déjà, Marc Robitaille, il y a une première tentative. Le maire Drapeau qui, quoi, autour de 1960? Oui, début des années 60, il envoie deux émissaires voir le commissaire Ford Frick, commissaire du baseball, dire ben, Montréal serait intéressé à voir. Il savait qu'il y avait des expansions qui s'en venaient. Le commissaire a deux questions pour ses émissaires. Il fait, vous avez un stade? Vous avez des propriétaires? Non, on n'a pas ça. Ben, quand vous ferez vos devoirs, vous reviendrez me voir. Alors, rien qui se passe du restant des années 60, jusqu'à ce qu'on apprenne à un moment donné, il y aura une autre expansion. C'est annoncé en 67 et l'expansion sera pour 69. Quatre nouvelles équipes. Il y aura quatre nouvelles équipes et le maire Drapeau est très déterminé. Là, lui, il a décidé que ça va être une équipe dans la Ligue nationale et c'est comme ça que là, le truc s'est mis en branle et c'est Jerry Snyder, qui était un de ses bras droits à la ville de Montréal, qui prend le dossier en main et qui va faire du lobbying là-bas puis rencontrer le commissaire. Et ça va marcher, mais c'est pas gagné d'avance. Au contraire, Montréal part de très, très loin. part de très loin. Il y a d'autres villes, il y a Buffalo, il y a San Diego, Milwaukee, il y a d'autres villes qui veulent avoir des équipes qui sont évidemment postées aux États-Unis. Oui. Mais Montréal a un atout que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que c'est une ville qui est en plein essor. Elle ressort de l'Expo 67, mm-hmm. qui est un succès fulgurant, et aussi... Un métro tout neuf, une population grandissante, et Montréal vient aussi avec un passé, c'est-à-dire que les Royaux ont eu du succès. Et il y a des gens qui, dans les hautes sphères du baseball majeur, savent que Montréal peut être une ville de baseball. Walter O'Malley, qui était le propriétaire des Dodgers, a fait un gros plaidoyer pour Montréal. C'est bien que lorsque, finalement, la journée fatidique est arrivée, il y a beaucoup de sceptiques. Il y a des gens, d'ailleurs, il y a un journaliste du Montréal Matin dont le nom est Jacques Beauchamp, oui. et qui avait pris un fanatique de sport incroyable, mais il avait décidé de ne pas envoyer de journaliste là-bas, n'y croyant pas. Disons, de toute façon, on ne l'aura pas. Ça ne donne rien d'envoyer quelqu'un là-bas. Et le 28 mai, finalement, l'annonce est faite. Montréal a une équipe et évidemment, le monde du sport américain était consterné. Équipe à Montréal. Exact. Ça, c'est important. Là. Ce sera la première fois qu'une équipe qui n'est pas américaine Exactement. A cet honneur d'avoir une équipe de baseball majeure. Exactement. Mais ce n'est pas encore gagné parce que c'est une bonne nouvelle. Mais on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On a failli perdre l'équipe, Marc Robitaille, avant même qu'elle ne débarque à Montréal. Exactement, parce qu'au mois de mai, on apprend ça, mais normalement, quand il y a une équipe, mais il n'y a toujours pas de propriétaire, et la plupart des gens qui avaient dit qu'ils étaient des investisseurs potentiels, Snyder les avait approchés, ils se sont mis à partir soudainement. Jean-Louis Lévesque, il devait être là, le gars de Blue Bonnets, d'autres laissent tomber aussi, et finalement, il n'y en a qu'un qui est encore sur les rails, c'est Charles Bronfman. Ouais. Et il y a un autre problème, c'est le stade, c'est-à-dire qu'on pensait transformer l'autostade. Il y avait un stade à l'époque où les Alouettes jouaient, le plan, ça avait été de convertir ça pour le baseball. Et quand les gens du baseball majeur sont arrivés à Montréal et l'ont vu, en fait, ça ne marchera pas, on ne pourra pas faire ça. Ouais. Alors, pas de stade, pas de propriétaire, on va perdre l'équipe. Mais quelques hommes, Bronfman, Drapeau, ils seront quelques-uns à mettre l'épaule à la roue et ça va marcher. Oui. On écoute justement parce qu'il sera très, très important. Charles Bronfman, le premier propriétaire des Expos, il va jouer un rôle vraiment déterminant dans l'aventure montréalaise des Expos. On l'écoute à l'émission Format 60 en septembre 1969. Il parle de ses motivations, ce pourquoi il s'est embarqué dans cette aventure-là. Nous, comme Canadiens, nous, comme Québécois, nous, comme Montréalais, nous avons, malheureusement peut-être, un sens d'être un peu inférieur que les Américains. Et on part toujours en affaires économiques de la gloire des choses américaines et nous sommes en bas. Alors maintenant, c'est un jeu américain. C'est le jeu national des Américains. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, les Américains ont dit à un pays étranger, « Joindrai avec nous. » Et ici, dans les cœurs de la population de tout le Canada, je pense, le baseball est quelque chose qu'on admire. Peut-être on admire les Américains et le baseball, et il y a quelque chose entre tous les deux. Et on veut être comme eux, si grand que dans le baseball. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, Marc Robitaille, parce qu'il y a vraiment pour Charles Bronfman ce nationalisme, au fond, cette fierté nationale canadienne qui explique cet engagement il voulait vraiment faire ça pour Montréal. Ouais. Il ne pouvait pas concevoir que ce serait à cause de lui, qui n'embarque pas dans le projet, que tout tomberait. Ouais. Et il voyait ça comme une honte pour Montréal, pour le Canada. Donc, il décide de plonger. Et il le fait aussi parce que c'est la première fois vraiment qu'il va prendre une décision en dehors du cadre paternel. Parce qu'évidemment, il travaille pour la distillerie Seagram. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, c'était en fonction de ça. Et là, c'est la première fois qu'il prend cette décision-là. D'ailleurs, son père était contre. Il avait conseillé de ne pas y aller. Il est allé quand même. C'est son projet. C'est son projet. Bébé. Il s'affranchit un petit peu du paternel, au fond. Exactement. Il tue un peu le père. Exactement. avec l'achat des Expos. C'est ça. Ça va bien. Les tout débuts, on l'entendait là, au tout début de l'émission, le 8 avril 69, premier match à New York, victoire des Expos. Premier match à domicile à Montréal, au Parc Jarry, le 14 avril 69. L'atmosphère a dû être complètement délirante. C'était fantastique. Évidemment, c'était plein. c'était une journée radieuse. 14 avril, il ne fait pas toujours beau à Montréal, mais cette journée-là, il faisait presque 30. C'était une journée fabuleuse. C'était plein. Et puis, dès la première manche, il y a un joueur des Expos qu'on ne connaît pas. C'est un laissé-pour-compte de notre club, Mac Jones, qui frappe un coup de circuit de 3 points dès la première manche. Et là, c'est l'amour. C'est, ouais. C'est là que l'expression, d'ailleurs, nos amours, est arrivée tout de suite après, parce qu'il dit c'est un coup de foudre total. Et ça va être comme ça, là, les premières années des Expos. Les Montréalais aiment leur équipe. Il y a un engouement. C'est Rusty Staub, déjà donc une vedette à laquelle on s'identifie. Exactement. C'est ça le début des Expos. Exactement. Et c'est une équipe bon, qui ne gagne pas souvent, mais finalement à laquelle on s'attache parce que le spectacle est aussi ailleurs. Il est aussi dans les gradins où il y a un gigueur qui danse sur l'abri des joueurs. Il y a un lanceur de cacahuètes qui semble avoir une courbe formidable. La vie, c'est un peu comme un grand pique-nique, une espèce d'atmosphère de fête foraine. Et on n'avait pas ça à Montréal, un endroit comme ça qui pouvait accueillir autant de gens pendant l'été pour un spectacle, pour quelque chose qui serait 80 fois par année. Ouais. Et puis, il y a cette fierté locale, cette fierté nationale. Claude Raymond, qui est lanceur pour les Expos, c'est le seul Québécois francophone de l'équipe. On l'écoute au micro de Guy Daou en 2001 nous raconter son tout premier match au Parc Jarry le 16 mai 1969. À ce moment-là, il joue pour les Braves d'Atlanta. Il nous raconte ensuite, dans le même extrait, comment ça se passait chaque fois quand il lançait, mais comme lanceur des Expos. Mais quand je suis arrivé dans le match, Claude Mouton, tout ce qu'il a dit, il a dit « Et maintenant, lanceur pour les Braves, le numéro 36 de Saint-Jean-Québec. » Là, le monde s'est mis à applaudir. Moi, la balle était chaude dans mes doigts, elle est tombée au sol. Puis là, j'avais une coupe de larmes qui déferlait sur les joues, tout ça. Puis là, mes deux bons chums, là, Tito Francona, qui jouait au premier but, puis Bob Tillman, qui était le receveur, ils sont venus me voir et ils ont dit « Écoute, Frenchy, tu nous as dit que tu voulais lancer chez vous, t'as l'occasion, là. Arrête de pleurer puis lance-le en balle. » Chaque fois que j'allais au Monticule, là, c'était le party dans le Parc Jarry parce que Fernand Lapierre, il jouait « He's got the whole world in his hands » puis là, le monde embarquait puis tout le monde était debout puis là, je sentais que je représentais tous les Canadiens, tous les Québécois, tous les francophones chaque fois que j'allais au Monticule, puis je voulais pas les décevoir. Alors, ça m'a aidé énormément, ça m'a poussé dans le dos, puis j'avais comme un défi là, de montrer à ces gens-là que j'étais capable de bien lancer. Alors, Claude Raymond, Marc Orbitaille, c'est un sport américain, ça se passe en anglais, c'est l'exception dans le sport. Absolument, ça prend. Il y en a eu deux autres après, oui. Il y a eu Denis Boucher, mais des années plus tard, et puis Derek O'Coin, qui sont venus beaucoup plus tard, mais Claude Raymond a été une vedette aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a fait partie du Club des Étoiles en 1966, il faut juste imaginer la détermination que ça prenait pour arriver de parler à peine anglais et réussir à faire son chemin. Il avait du talent, donc un gars qui travaillait très fort. 76, c'est vraiment la pire saison de l'équipe depuis la création de l'équipe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que l'ancienne équipe qui était là, où il y avait des vétérans, le gérant des Expos, Gene Mock, qui était un homme qui aimait ses vétérans. Et là, les vétérans commencent à prendre leur retraite tranquillement, partent. Et là, il y a des nouveaux, il y a des jeunes qui arrivent. Et il y en a là-dedans qui sont drôlement prometteurs. Gary Carter, André Dawson, Les Valentine, Steve Rogers, tous des gars qui vont à un moment donné devenir vraiment de grandes vedettes. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore là. Et l'équipe, en 76, ils ont remplacé Gene Mock, ils ont un jeune gérant, l'équipe perd. Est-ce que l'effet Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques exactement, en 76? Exactement. Est-ce que ça fait pas un peu de compétition, un peu d'ombre aussi? Il y a des gens qui disaient, heureusement qu'il y a eu les Jeux, comme ça les gens n'ont pas pu assister à ce désastre qui est sur le point-là. À ce point-là, parce que l'équipe était un peu en défaveur aussi. Il y avait comme une espèce d'européanisation aussi, si on veut, du monde du sport avec l'arrivée des Olympiques. Et on se désintéressait tranquillement un peu du baseball. Et c'était la dernière année de Jarry, l'année suivante, évidemment, le stade olympique étant là, mais là, l'équipe a déménagé ses pénates là-bas. Ça se passe comment, ce déménagement-là? Bien, ça se passe d'abord un peu difficilement parce qu'autrefois, on avait un stade, là, quand il y avait 12 ou 15 000 personnes dedans, ça semblait assez plein. Mais à 12 ou 15 000 au stade olympique, ça a l'air vide. Ouais. Alors là, il y avait ce défi d'abord d'avoir une équipe gagnante. Alors, ils sont allés chercher des agents libres, des gars qui commandaient des gros salaires, mais qui arrivaient avec. Charles Ronson l'a dit d'ailleurs. Oui. Il donne le mandat à absolument. Il faut remplir ce stade-là. Oui, je veux une bonne équipe. Oui. Parce que le stade, il ne faut pas oublier que le stade, ça n'a pas été le choix de Bronfman ni de la direction des Expos. Le stade, il a été conçu par la Ville de Montréal avec, évidemment, l'architecte Taillebert. Et ils n'ont jamais été consultés, les Expos. Alors, ils se retrouvent dans une espèce de d'immense enceinte qui est pas faite pour ce sport-là. Et là, ils mettent un gars au marketing qui s'appelle Roger Deslandry qui commence à travailler très fort pour amener les fans. Et c'est là que Youpi vient au monde. Hein? Mm-hmm. Youpi arrive. C'est là qu'évidemment, surtout que l'équipe, les jeunes dont on parlait tantôt, se mettent vraiment à jouer au sommet de leur forme. Puis on met l'argent. Bronfman met du fric dans cette aventure-là. Ce qui fait que 79-84, je ne sais pas si on peut parler d'âge d'or, mais c'est une belle époque, une très, très belle époque. Tout à fait. Et qui va évidemment un peu culminer avec une déception immense en 81 quand ils se rendent dans les séries championnat. Une saison un peu écourtée à cause d'une grève. Il y avait évidemment à ce moment-là beaucoup de conflits entre les propriétaires et les joueurs. Mais en 81, donc, les Expos se rendent dans les séries et dans un match décisif contre Los Angeles. S'ils gagnent ce match-là, ils s'en vont en série mondiale contre les Yankees. Ouais. Et l'équipe avait vraiment le vent dans les voiles. On se disait, c'est eux les gagnants. Et c'est là que le gérant des Expos, qui est à ce moment-là un gérant novice, Jim Fanning, prend la décision d'envoyer dans la mêlée le meilleur lanceur du club, mais pas un lanceur de relève, un lanceur spécialisé dans les débuts de match. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on envoie normalement dans ce rôle-là. Mm-hmm. Et il l'envoie. Et il avait été un lanceur extraordinaire dans les semaines qui ont précédé, ce qui faisait que les Expos étaient là où ils étaient. Et il donne une balle qui est frappée par-dessus la clôture. Et s'il y a un moment qui définit... Frappe... C'est Rick Monday. Hein? Ouais. Alors, s'il y a un moment qui définit un peu la tragédie des Expos, si on veut, c'est celui-là. C'est ce fameux coup de circuit-là, parce que l'équipe, évidemment, a été perdue un peu de son envol à ce moment-là. 90, puis un mot pour dire quand même, parce que c'est les grandes années, 79-84, 82, ce sera le match des étoiles au Stade olympique. Exactement. 5 joueurs des Expos vont y participer. Tout à fait. Donc, des belles années. Mais en 90, ce brave Charles Bronfman, dont on parlait au début de l'émission, s'essouffle un peu. Il trouve ça lourd, il trouve ça coûte cher. Il décide de vendre l'équipe. Pourquoi il décide de vendre l'équipe? Je pense qu'il y a beaucoup de lassitude derrière ça. Ouais. Je pense qu'il a perdu un peu la foi. Il y avait un sentiment aussi, un peu comme les anciens propriétaire de loyauté entre des joueurs à qui on donnait des coups de main aussi. Tu sais, il y avait une espèce d'esprit de famille. Et quand ils voyaient les joueurs partir parce qu'il y avait des offres plus intéressantes ailleurs, tout ça, ça l'a un peu échaudé. D'autre part, il espérait, comme les autres propriétaires, contenir la hausse des salaires avec des espèces d'ententes de non-signature, tu sais, de ne pas commencer à courir après les agents libres. Et là, ils ont été accusés de collusion. Ils ont été obligés de payer beaucoup d'argent, ces propriétaires-là, à ce moment-là. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'il s'est dit, l'industrie s'en va dans une direction où moi, je ne suis pas à l'aise. Il était déjà très malheureux quand il a offert le fameux contrat Gary Carter, un contrat de 15 millions sur 7 ans, et il l'a regretté à partir du moment où il l'a signé. Donc, voilà. Mes amis, ma famille, je vous aimerai toujours. Il me fait grand plaisir, grand honneur to be in Montreal. Ce qu'on entend, Marc Robitaille, c'est les adieux de Gary Carter, qui a été très, très aimé, très important pour les Expos de Montréal, ses adieux aux partisans en 92. Tout à fait. Il revient pour une autre saison. Vraiment, il est en fin de parcours. Parce qu'il avait été changé dans les années 80. Il a été changé, exactement. Et il revient pour faire sa dernière saison à Montréal. Et là, c'est une jeune équipe qui est autour de lui. Et là, c'est vraiment une nouvelle génération. C'est les Moises Alou, c'est les Larry Walker. Et c'est une équipe qui, encore une fois, un peu comme au début des années 80, qui regroupe des tas de joueurs donc, qui arrivent à leur apogée en même temps. Et c'est ce qui fait qu'on a, en 92, 93, 94, des saisons fort intéressantes. Et surtout en 94, là, ils ont la meilleure équipe qu'ils ont jamais mis sur le terrain depuis le début de leur... On touche, là. Ça sent la coupe, comme on dit. Oui, il y a des Montréalais, puis à juste titre, qui se disent, ça y est, on va gagner la Série mondiale. Oui. L'équipe était presque imbattable. C'est-à-dire que s'il y avait les devants dans un match, on savait que c'était presque fini. Ils avaient de si bons lanceurs de relève que les autres équipes n'arrivaient pas. Les autres équipes savaient que l'équipe à battre, c'était les Expos. Mais cette année-là, c'est l'année où il y a eu une confrontation majeure entre les propriétaires des équipes et l'association des joueurs. Il y avait toujours des questions, mais celle-là, c'était vraiment une question très épineuse. C'était le plafond salarial. Les propriétaires souhaitaient imposer un plafond salarial encore pour restreindre les coûts. Il avait perdu tous les autres conflits avant, il ne voulait pas perdre celui-là. Et Claude Brochu, qui était rendu président des Expos à ce moment-là, lui, évidemment, il prend la parole au nom des petits marchés et lui, il se dit, il faut mener cette guerre-là jusqu'au bout parce que si on la perd, celle-là, les expos ne pourront pas survivre. Ouais. Donc, lui, il est prêt à sacrifier la saison et c'est ce qui va arriver. Oui, donc pas de série mondiale, plus de fin de saison prématurée cette année-là, en 94. Puis vous le signaliez, Claude Brochu, qui est maintenant dans l'organisation, parce qu'au fond, Bruntman, on ne l'a pas dit, mais avait réussi à vendre son équipe. Ça a été compliqué, mais un consortium québécois. Exactement. Et là, rebelote. Parce qu'il y a un projet de stade en 96, le gouvernement Bouchard va dire non à ce projet-là en 98. Rebelote, on est à nouveau devant cette obligation de trouver un nouvel acheteur et ça nous amène dans ces années Jeffrey Loréat. Oui, parce que les propriétaires ont à un moment décidé que Claude Brochu amenait un peu trop large. Là. Ils trouvaient que, comme commandité, ils prenaient beaucoup de décisions auxquelles ils n'avaient pas vraiment... Même l'idée du stade, d'un nouveau stade, la plupart des autres propriétaires du consortium n'étaient pas d'accord avec ça. Ils ont un stade olympique, pourquoi d'un autre stade? Brochu savait que c'était la façon de... Moi, je suis plutôt d'accord avec sa vision des choses. C'était la façon d'amener du revenu. Donc, une fois que Brochu a été poussé, il n'y avait personne d'autre pour prendre le lead. Alors, ce qui fait qu'ils se sont retournés vers des acheteurs américains et ils ont trouvé probablement le seul qui était prêt à faire cette grande concession de, soi-disant, garder l'équipe à Montréal. Et c'était un marchand d'art du nom de Jeffrey Loréat et qui s'est amené ici avec l'intention de faire marcher les choses à sa façon. Et évidemment, ça frappait un mur assez rapidement. Par exemple, il voulait complètement renégocier les ententes des contrats de radio-télé. Et quand les radio-télé disent « on ne peut pas donner cet argent-là, l'argent que vous demandez », il dit « très bien, on n'aura simplement pas de match à la télé, à la radio cette année-là ». Alors, donc, ça n'a pas duré, ça non plus. Et ça a été... Il y a presque un traumatisme. Il y a un traumatisme chez les partisans des expos. On attendait beaucoup de cet homme-là, mais la relation va être très, très difficile avec l'équipe, avec Montréal, puis on connaît la suite. 29 septembre 2004, dernier match des expos à Montréal, à domicile. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 36 ans quand même, 36 ans de présence des Expos à Montréal? Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire-là, Marc Robitaille? Bien, une belle histoire d'amour, une histoire d'amour intense qui a eu des hauts et des bas, mais des hauts assez formidables. Je dois dire, pensons quand même à un sport professionnel que les gens pouvaient se payer, pouvaient venir en famille, pouvaient venir plusieurs fois par année. Ça se passait durant l'été. Mm-hmm. Alors, il y a eu quand même à peu près plus ou moins 50 millions de spectateurs qui sont venus en 36 ans voir des matchs de baseball à Montréal. Donc, c'est une histoire qui a marqué l'imaginaire des gens. Il n'y avait pas un endroit où on allait à Montréal durant l'été, là, tous les dépanneurs sur le chalet où on entendait les gens, la radio était allumée et on écoutait Jacques Doucet et Claude Raymond décrire les matchs. Marc Robitaille, fou de baseball, de hockey, scénariste, auteur, co-auteur du livre « Il était une fois les expos » publié aux éditions Artubiz en 2015. Merci infiniment de votre passage à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.